Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Macha Meryl lit L'oiseau de feu, un conte populaire russe. Dans un certain pays, dans un certain royaume, vivait le tsar Demian avec ses trois fils, Piotr Tsarevitch, Vassili Tsarevitch et Ivan Tsarevitch. Ce tsar possédait un jardin comme on n'en trouverait pas de pareil au monde, plein de fleurs rares et d'arbres précieux. Le plus précieux de tous était un pommier qui donnait des pommes d'or. Le tsar prenait grand soin de ce pommier, en comptait les pommes chaque soir, les recomptait chaque matin. Et il s'aperçut que la nuit, quelqu'un saccageait son jardin. Le soir, une belle pomme sur la branche mûrie, et au matin, ni vue ni connue, elle a disparu. Les gardiens n'y pouvaient rien et le tsar en perdait le boire et le manger, la paix et le sommeil. Un jour, il appela ses fils. « Ça ne peut plus durer. À celui de vous qui découvrira et prendra notre voleur, je laisserai la moitié du royaume de mon vivant et à ma mort, il l'aura tout entier. » Les fils ont juré d'attraper le voleur et c'est Piotr Tsarevitch qui, le premier, monta la garde. Il fit le tour du jardin, se coucha sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Quand il se réveilla, plusieurs pommes d'or manquaient. Dès son réveil, le tsar appela Piotr Tsarevitch. « M'apportes-tu une bonne nouvelle, fils? As-tu vu le voleur ?»« Non, père, et pourtant, j'ai veillé toute la nuit, fouillé les taillis. Je me demande où ces pommes sont passées. » La nuit suivante, ce fut le tour de Vassili Tsarevitch. Il regarda sous les buissons, s'assit sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Au matin, d'autres pommes d'or manquaient. « Alors, fils, as-tu vu le voleur ?» lui demanda le tsar. « Non, père, j'ai guetté de mon mieux, n'ai pas fermé les yeux, n'ai vu personne. Je n'y comprends rien. » La nuit d'après, Ivan Tsarevitch prit la garde. De peur de s'endormir, il marchait sans arrêt. Si le sommeil venait, si la fatigue le prenait, il se débarbouillait avec la rosée, reprenait sa veillée. Sur les minuits, il aperçut une grande lueur qui s'approchait du jardin. Et bientôt, on y vit clair comme en plein jour. L'oiseau de feu, perché sur le pommier, picorait les pommes d'or. Ivan Tsarevitch se glissa en catimini, saisit l'oiseau par la queue, mais l'oiseau de feu se débattit si bien qu'il s'échappa, ne laissant qu'une plume dans la main du Tsarevitch. Au matin, Ivan Tsarevitch raconta à son père quel voleur saccageait leur jardin et lui montra la plume de l'oiseau de feu. Le tsar se réjouit, retrouva sommeil et appétit, d'autant plus que l'oiseau ne revint plus voler ses pommes d'or. Mais à regarder la plume, l'oiseau de feu tout entier lui faisait envie. Le tsar y pensait jour et nuit, et il finit par appeler ses fils. « Pourquoi n'iriez-vous pas courir le monde chercher cet oiseau de feu? Autrement, un de ces jours, il reviendra voler nos pommes. » Les deux aînés ont obéi, ils ont scellé leurs coursiers rapides, revêtu leurs armures solides, et ils sont partis à l'aventure. Mais vu son jeune âge, le tsar garda près de lui Ivan Tsarevitch. Celui-ci en fut tellement marri, il supplia tant son père, que le tsar finit par le laisser partir à son tour. Macha Meryl, vous avez choisi de lire L'oiseau de feu, qui est un conte russe. Mm-hmm. Est-ce que vous vous souvenez qui vous l'a lu, quand, où? Absolument. Alors pour moi, tous ces contes russes, il y en a beaucoup, c'est tout à fait lié à Noël, au fait, parce que Ma mère me le lisait dans une édition russe, donc déjà, ce n'était pas en français. C'était en caractère cyrillique. Donc c'était des livres pour moi très mystérieux parce que je ne pouvais pas les lire, je ne pouvais pas les comprendre. Et en plus, c'était une édition qui devait dater du début du siècle, une des rares choses qu'elle avait sauvées de son enfance à elle, puisque maman a quitté la Russie en vain. Et parmi ses trésors, elle avait sauvé ces livres-là. Et pourquoi ? C'est que tout ce que vous voyez dans cette édition, qui est magnifique, mais qui est quand même une édition récente, où les dessins sont merveilleux, tout ce qui est en ocre et en beige, c'était en or. Et chaque illustration était recouverte d'un petit papier cellophane. C'était comme des enluminures, je ne sais pas quoi vous dire. C'était vraiment des éditions très précieuses, dont les Russes avaient la spécialité. Ils étaient très calés en imprimerie d'art. Ils le sont encore. Je crois que c'est la tradition de l'iconographie qui probablement se prolongeait dans l'édition, j'en sais rien. Alors, toutes les pages sont entourées, vous voyez, d'une petite frise ravissante qui est dessinée par ce dessinateur, Bilibin. Et c'était en or, en différents tons d'or. En plus, il y avait de l'or rouge, de l'or blanc. Je ne dis pas que c'était fait à la feuille d'or, mais probablement que c'était très précieux. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, quel matériau ils utilisaient. Alors, pour moi, ce livre, on ne le sortait qu'aux grandes occasions. Nous n'avions pas le droit d'y toucher. Et maman me le lisait, d'abord en russe, et ensuite elle me le traduisait. Ou quelquefois, elle me le traduisait au fur et à mesure, parce que je ne parle pas assez bien le russe pour le comprendre. Mais chaque fois que j'ouvre ce livre, il y a une odeur d'arbre de Noël qui monte. Vous voyez, toutes les frises ravissantes, des petits champignons. La nature est toujours très présente dans ces contes. Hein. On voit partout des fleurs. Alors, toutes ces frises, je les ai peintes, je ne sais pas combien de fois, soit sur des œufs de Pâques, soit sur des petits objets qui étaient des jouets qu'on accrochait à l'arbre de Noël. C'est des motifs 1900, je crois que les illustrations étaient... Oui, alors Bilibin est un dessinateur du début du siècle. C'est un peu le style nouille, hein. C'est un peu l'ancêtre de la BD. Ça date probablement de la fin du siècle précédent ou du début du siècle. Un conte est vite dit, les choses se font plus lentement. Ivan Tsarevitch chevaucha longtemps et arriva à une croisée de chemin. Là, sur une borne de pierre, il était écrit « Celui qui ira tout droit aura froid et faim. Celui qui prendra à droite restera sain et sauf, mais perdra son cheval. Et celui qui ira à gauche sera tué, mais son cheval vivra. » Réflexion faite, Ivan Tsarevitch prit le chemin de droite pour ne point perdre la vie. Il chemina ainsi 3 jours durant et parvint à une grande et sombre forêt. Soudain, un loup gris bondit à sa rencontre. Le tsarevitch n'eut même pas le temps de dégainer son glaive que le loup égorgeait son cheval et disparaissait dans les fourrés. Que faire sans cheval ? Ivan Tsarevitch poursuivit sa route à pied, mais au bout de 3 jours, il n'en pouvait plus de faim et de fatigue. Accablé, il s'était laissé tomber sur une souche quand un grand loup gris sortit des bois. « Te voilà bien triste, Ivan Tsarevitch, » dit le loup. « Pourquoi as-tu les mains lasses, la tête basse, les chines courbées ?»« Comment ne pas me désoler ? Que ferais-je sans mon cheval ?»« C'est toi qui as choisi ce chemin. De quoi te plains-tu ? » ?»« Mais j'ai pitié de toi. Dis-moi où tu vas, ce que tu cherches. » »« Le tsar Demian, mon père, » m'a envoyé chercher l'oiseau de feu qui volait les pommes d'or de son jardin. Mais sur ton cheval, tu n'y serais jamais arrivé. Moi seul, je sais où niche l'oiseau de feu. Moi seul peux t'aider. Et en échange de ta monture, je vais te servir fidèlement en toute droiture. Monte sur mon dos et agrippe-toi bien. Ivan Tsarevitch obéit, et le loup gris fila comme le vent. Le loup court, d'un bond passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. Le tsarevitch n'a qu'à se cramponner. Devant un grand mur blanc, le loup s'arrêta et dit « Escalade ce mur. Derrière, il y a un jardin. Dans ce jardin, une cage d'or. Dans la cage, l'oiseau de feu. La garde d'or. Prends l'oiseau, mais ne touche pas à la cage. Sinon, un malheur t'arrivera. » Ivan Tsarevitch se glissa dans le jardin et vit l'oiseau de feu dans sa cage. Il prit l'oiseau et allait partir quand il se dit « Comment emporter l'oiseau sans cage ? Je ne peux pas le mettre dans ma poche quand même. Et puis la cage est belle, tout ornée de pierreries. » Il oublia ce que le loup avait dit et saisit la cage. Aussitôt, ce ne fut que carillon et sonnerie. De la cage d'or, des fils secrets partaient avec grelots et clochettes, crécelles et claquettes. Les gardiens se sont réveillés. D'Ivan Tsarevitch se sont emparés. Devant leur tsar à Frône l'ont amené. « Qui es-tu ? » cria le tsar, très en colère. « De quelle terre natif ? De quel père le fils ?»« Je m'appelle Ivan Tsarevitch, et le tsar Demian est mon père. Ton oiseau de feu s'est fait coutume de venir grappiller nos pommes d'or. Alors mon père m'a envoyé le chercher, l'attraper. » Le tsar Afron hocha la tête avec reproche. « Ah, Ivan Tsarevitch, tu serais venu me trouver honnêtement que je te l'aurais donné, mon oiseau de feu, ou bien je l'aurais échangé contre autre chose. » « Alors que maintenant, le monde entier va savoir qu'Ivan Tsarevitch n'est qu'un voleur. » « Enfin, passe pour cette fois. Écoute, si tu me rends service, je te pardonnerai et je te donnerai même l'oiseau de feu. » Mais avant, tu vas aller par-delà 29 terres, dans le 30e royaume, chez le tsar Kousman, et me ramener son cheval à la crinière d'or. » Ivan Tsarevitch, tout penaud, alla retrouver le loup gris et lui dit ses malheurs. Le loup n'était pas content. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, Tsarevitch ? Pourquoi as-tu pris la cage ? Je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher. Pardonne-moi, s'il te plaît, je suis en faute, c'est vrai. » « Bon, n'en parlons plus. Monte sur mon dos et cramponne-toi bien. On va aller chez le tsar Kousman. » Ivan Tsarevitch monta sur le dos du loup, qui partit comme le vent. Le loup gris court, d'un bond passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar Kousman, devant ses écuries de pierre blanche. Le loup dit au Tsarevitch : « Les gardiens sont endormis. « Va chercher le cheval à la crinière d'or, mais ne touche pas à sa bride, sinon un autre malheur t'arrivera. » Ivan Tsarevitch se glissa dans l'écurie, prit le cheval par sa crinière d'or et allait partir quand il vit une bride d'or pendue au mur et se dit « Comment mener un cheval sans bride ? Et celle-là est si belle !» Mais dès qu'il la toucha, ce ne fut que carillon et sonnaille. La garde se réveilla, d'Ivan Tsarevitch s'empara, devant le tsar Kousman l'amena. Le tsar cria très en colère. « Qui es-tu ? De quelle terre natif ? De quel père le fils ? Et comment oses-tu toucher à mon cheval ?»« Le tsar Demian est mon père. Ivan Tsarevitch est mon nom. »« Ah, Ivan Tsarevitch, il fallait venir me trouver honnêtement. Par respect pour ton père, je t'aurais donné mon cheval. Et maintenant, toute la terre saura que le Tsarevitch n'est qu'un voleur de chevaux. Ce sera du joli. » « Enfin, je veux bien te pardonner et même te faire cadeau du cheval à la crinière d'or. Mais va d'abord à 29 terres d'ici, dans le 30e royaume, et ramène-moi la fille du tsar Dalmat, la princesse Hélène la Belle. » Ivan Tsarevitch, pleurant de honte, alla raconter au loup ses malheurs. Le loup lui fit d'amers reproches. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ? Pourquoi as-tu touché à la bride ? Je me donne du mal pour te servir et tu ne fais que tout gâcher. Pardonne-moi, je t'en prie. J'ai encore fauté, c'est vrai. Bon. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Monte sur mon dos, on s'en va chercher la princesse Hélène la Belle. » Où est-ce que vous vous trouviez quand votre mère vous lisait ses contes ? Alors, l'enfance, c'était encore au Maroc. Je suis née au Maroc et il y avait une colonie russe importante au Maroc. Mon père était ingénieur agronome et s'occupait d'une grande propriété. Et nous nous réunissions à Rabat, dans une maison où on reconstituait complètement la tradition russe. Dans la maison dans laquelle vous habitiez au Maroc, il y avait des livres ? Oui, il y avait beaucoup de livres. Je vous dis, il y avait une étagère avec les livres en caractère cyrillique et qui représentait pour moi tout le mystère de cette chose illisible et aussi d'une poésie extraordinaire. Parce que alors, moi, regardez dans ce conte que je viens de lire, ce qui me frappe, d'abord, le héros est faible. C'est pas un winner, c'est un loser. Et il y a dans la tradition des héros russes, vous savez que le héros, c'est Ivan Durak, ça veut dire Ivan l'idiot, Jean l'idiot. Et c'est un loser complet, c'est-à-dire que c'est presque un idiot du village, que tout le monde aide. C'est un peu Bécassine, mais sauf que Bécassine se dépatouille toute seule. Lui, jamais. Alors il y a, dans la société russe et dans cet esprit slave, pas le culte du gagnant. Le gagnant, il est suspect. Il est riche et on ne l'aime pas. Par contre, on aime le perdant, on aime celui qui a du mal, qui a des difficultés et qui a besoin de tous les concours possibles pour réussir. Et puis, il y a une autre chose qui me fait beaucoup rire, c'est la brutalité terrible. Alors, on se coupe des têtes, ça ne pose aucun problème. On attrape la princesse, on la jette sur le dos du cheval, elle s'évanouit de peur. Enfin, tout ça n'est pas d'une grande subtilité. Je pense que c'était une société extrêmement rude. Et le loup gris partit comme le vent. D'un bond, il passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar d'Almat, devant un grand jardin aux grilles d'or. Le loup dit « Cette fois, Tsarevitch, je vais moi-même chercher la princesse. Toi, tu vas m'attendre dans ce bois, sous le chêne vert. » Le loup gris sauta par-dessus les grilles d'or et se tapit dans les buissons. Vers le soir, Hélène la belle sortit se promener avec ses nourrices, ses fidèles servantes. Comme elle se penchait pour cueillir une fleur, le loup bondit, la jeta sur son dos et s'enfuit. Sous le chêne vert, il retrouva le tsarevitch. « Monte vite !» cria le loup. « On va nous poursuivre !» Ivan Tsarevitch monta sur le dos du loup, prit la princesse dans ses bras et le loup gris fila comme le vent. Chez le tsar d'Almat, pendant ce temps, les nourrices fidèles servantes criaient et piaillaient, si bien que personne ne comprenait rien. Quand on démêla l'affaire, quand on organisa la poursuite, le loup gris était déjà loin. De peur, Hélène la belle s'était évanouie. En reprenant connaissance, elle vit qu'un jeune et beau prince la tenait dans ses bras. Et à ce premier regard, à ce premier coup d'œil, ils s'aimèrent. Si bien qu'en approchant du royaume du tsar Kousman, Ivan Tsarevitch pleurait à chaudes larmes. Le loup lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Tsarevitch? Quel chagrin est le tien ?»« Ah, loup gris !» J'aime Hélène la belle de tout mon cœur. Comment la donnerais-je au tsar Kousman ? Le loup gris les regarda, en eut pitié, et il dit « Puisque j'ai promis de te servir fidèlement, je tiendrai parole. Je vais me transformer en Hélène la belle, et tu me remettras au tsar Kousman. La princesse t'attendra dans ce bois, et dès que tu auras le cheval à la crinière d'or, tu viendras la prendre. Partez tous deux, je vous rattraperai un peu plus tard. » Le loup gris frappa le sol, se changea en Hélène la belle et Ivan Tsarevitch le mena chez le tsar Kousman. Celui-ci, tout heureux, remit au Tsarevitch le cheval avec sa bride par-dessus le marché et remercia encore pour le service rendu. Ivan Tsarevitch s'en alla en hâte rejoindre la vraie princesse et ils se mirent en route. Pendant ce temps, le tsar Kousman célébrait ses noces. Sur les tables de chêne, sur des nappes blanches, on servait des mets fins, de vieux hydromels et vins. Les invités criaient « Vive la mariée !» Le tsar voulut embrasser sa jeune épouse, mais au lieu de ses douces lèvres, rencontra le rude poil d'un loup. Le tsar hurla, l'assistant s'affola. Profitant du tumulte, le loup gris sauta par la fenêtre et autant chercher le vent dans les champs. Le loup rattrapa vite Ivan Tsarevitch et lui dit « Monte sur mon dos, laisse le cheval à la princesse. » En arrivant au royaume du tsar Afron, le loup demanda « Tu as l'air bien triste, Ivan Tsarevitch. Qu'as-tu donc ?»« Je songe au cheval à la crinière d'or et j'ai gros cœur de l'échanger contre l'oiseau de feu. Mais si je ne lui donne pas le cheval, le tsar va me déshonorer à la ronde. Allons, ne te chagrine pas, je vais encore t'aider. Je me changerai en cheval à la crinière d'or. C'est moi que tu remettras au tsar Afron. » Et la princesse avec le vrai cheval t'attendra dans ce bois. » Le loup frappa le sol, se changea en cheval à la crinière d'or, et Ivan Tsarevitch le mena chez le tsar Afron. En les voyant, le tsar se réjouit, au-devant du Tsarevitch sorti, dans son palais le conduisit. Il lui donna l'oiseau de feu et sa cage par-dessus le marché, l'invita même à rester quelque temps, mais Ivan Tsarevitch avait hâte de rejoindre Hélène la belle. Il la retrouva dans le bois et, montés tous deux sur le cheval à la crinière d'or, tenant la cage avec l'oiseau de feu, ils se mirent en chemin. Pendant ce temps, le tsar Afron voulut essayer son cheval et s'en fut à la chasse avec ses chasseurs, ses piqueurs et ses rabatteurs. Par les bois ils passèrent, un renard dans son gîte forcèrent, sur ses traces s'élancèrent. Le cheval à la crinière d'or galopa vite, distança toute la suite. Alors le cheval buta, le tsar chuta, plongea dans la boue, la tête la première. Et au lieu du cheval à la crinière d'or, c'est un loup gris qui se sauva à toutes jambes. Le temps de relever le tsar, de le nettoyer, le loup avait disparu. Il rejoignit Ivan Tsarevitch et le prit sur son dos. En arrivant au lieu de leur première rencontre, le loup gris dit « C'est ici que j'ai égorgé ton cheval, Ivan Tsarevitch, et c'est ici que je vais te quitter. Je ne suis plus ton serviteur. » Ivan Tsarevitch par trois fois salua le loup gris jusqu'à terre, par trois fois le remercia et lui dit adieu. Mais le loup répondit « Ne me dis pas adieu, Tsarevitch. Dis-moi à bientôt. Dans peu de temps, tu auras encore besoin de moi. » À part soi, Ivan Tsarevitch pensait « Quel besoin aurais-je du loup gris? J'ai tout ce que je désire. » Il monta avec la princesse sur le cheval à la crinière d'or et, tenant la cage de l'oiseau de feu, se mit en route vers le royaume de son père. Vous lisiez beaucoup quand vous étiez petite fille ? Oui, je lisais beaucoup. Je remercie mes parents de ça. Nous vivions à la campagne, un peu loin de tout, et donc la lecture était la distraction principale. Je me souviens encore de maman qui avait un mal de chien à me faire venir à table parce que j'étais en train de lire, et on se couchait, je mettais les pieds sur le mur, les pieds en l'air, et je lisais, je dévorais. J'ai donc lu des livres qui étaient de mon âge et pas de mon âge. Quelquefois, je lisais même sans comprendre. C'était vraiment le plaisir de parcourir des pages et de lire des mots difficiles. D'ailleurs, j'ai failli vous proposer de lire une de mes lectures favorites, c'était le dictionnaire. Un de mes premiers cadeaux, ça avait été un dictionnaire Larousse, et je me délectais à lire les définitions, bien sûr des mots interdits pour commencer, donc des gros mots et des mots scabreux, mais aussi de regarder les illustrations. Je faisais des pages entières, tout le A, tout le B, ça me passionnait. Un conte se dit vite, le chemin se fait lentement. Peu avant d'arriver chez le tsar Demian, il fallut s'arrêter pour prendre du repos. Ivan Tsarevitch et Hélène la Belle, à l'orée du bois, s'installaient, sur l'herbe s'allongeaient, bien vite s'endormaient. C'est alors que les deux frères aînés du Tsarevitch vinrent à passer par là. Piotr Tsarevitch et Vassili Tsarevitch s'en retournaient chez leur père, les mains vides, le cœur déçu. En voyant Ivan Tsarevitch entre une belle princesse, un cheval à la crinière d'or et la cage d'or avec l'oiseau de feu dedans, la rage les prit. Notre frère nous avait déjà humiliés en rapportant une plume de l'oiseau de feu, et voilà qu'il ramène l'oiseau tout entier vivant. Et il a encore d'autres merveilles avec lui. De quoi aurons-nous l'air, nous, ses aînés? Il faut lui apprendre ce qu'il en coûte de toujours se mettre en avant. Et les voilà qui tirent leur glaive, qui coupent la tête d'Ivan Tsarevitch endormi. Hélène la Belle se réveille, voit son bien-aimé décapité, se met à crier, à sangloter. Mais Piotr Tsarevitch appuya la pointe du glaive sur son cœur. « Tu es entre nos mains, lui dit-il. Nous allons te ramener chez le tsar, notre père, et tu diras que c'est nous qui t'avons conquise. Toi et le cheval à la crinière d'or et l'oiseau de feu. » « Fais serment de parler ainsi, sinon je te tue !» Hélène la Belle avait peur de mourir. Elle jura tout ce que les autres voulaient. Alors les deux frères tirèrent au sort pour savoir qui l'aurait. C'est à Piotr Tsarevitch qu'elle échut, et Vassili Tsarevitch eut le cheval à la crinière d'or pour sa part. Et emportant l'oiseau de feu, tous trois prirent le chemin du palais du tsar Demian. Ivan Tsarevitch gisait mort dans la plaine, et déjà les corbeaux tournaient autour de lui. C'est alors que le loup gris sortit des bois. Il remit la tête d'Ivan Tsarevitch sur ses épaules et l'aspergea d'eau morte. Le corps se ressouda aussitôt. Il l'aspergea d'eau vive, et Ivan Tsarevitch bâilla, s'étira et dit « Oh, que j'ai dormi longtemps !» « Tu dis vrai, Ivan Tsarevitch, et sans moi tu dormirais encore. Sache que tes frères t'ont tué pour s'emparer d'Hélène la Belle, du cheval à la crinière d'or, de l'oiseau de feu. Monte vite sur mon dos, je vais te mener chez ton père. Parce que, aujourd'hui même, ton frère Piotr Tsarevitch doit se marier avec Hélène la Belle. » Ivan Tsarevitch monta sur son dos et le loup gris l'emporta comme le vent jusqu'aux portes de la capitale du tsar des Mian. Arrivé là, le loup gris dit « À présent, Ivan Tsarevitch, disons-nous adieu à tout jamais. Va vite, dépêche-toi de rentrer à la maison. » Et le loup gris disparut. Ivan Tsarevitch rentra dans la ville. Il vit les maisons de feuillage ornées, les rues où les oriflammes flottaient, les gens en habits de fête, toute la cité en liesse. Comme il demandait le pourquoi de ces réjouissances, on lui répondit « Aujourd'hui, le fils aîné du tsar épouse la princesse Hélène la Belle. » Ivan Tsarevitch pressa le pas. Aux abords du palais, un garde le reconnut et courut en hâte annoncer l'heureuse nouvelle au tsar son père. Mais le Tsarevitch fut plus rapide que le garde. Le premier dans la salle, il entra, à ses frères félons se montra. En le voyant, Piotr Tsarevitch fut pétrifié de stupeur. Vassili Tsarevitch manqua mourir de peur. Et pendant ce temps, Hélène la Belle de table se levait, vers Ivan Tsarevitch venait, par la main le prenait, devant le tsar Demian l'amenait. « Voici celui qui m'a conquise, voici mon seul véritable fiancé. » En apprenant la vérité, le tsar Demian entra dans une grande colère et chassa ses deux fils aînés hors de sa vue. On célébra en grande pompe le mariage d'Ivan Tsarevitch et d'Hélène la Belle, et ils vécurent tous sans tracas ni peine, gardant cœur en joie et maison pleine. L'oiseau de feu par Macha Méril. Pierre Mine, Annick Brien, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.